L'assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. François Landry est de retour pour nous expliquer ce qu'est la logocratie. Simon Fitzbé avec sa première chronique Phénomène vient faire la biographie de Chuck Berry. À assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Nous sommes le jeudi 9 septembre 2010 à 7h14 et moi c'est Mathieu Plante. Et moi François-Olivier Marchand. Bonjour FO. Ça va bien? Oui toi? Oui ça va bien. Il y a une odeur dans l'air aujourd'hui, on le sent. Il y a une odeur de... Ça pue, ça. Ça pue. Ça sent la bière. Ça sent la bière. Gros party hier à la chasse-galerie. Oui, c'est le Toga Party. Oui. Mm-hmm. Alors, moi, il y a eu beaucoup de monde, d'après ce qu'on peut voir en fait dans le stationnement. Oui. Il y en a qui ont laissé leur auto là, c'est ça? Oui. Oui. Ça me auto, bière, ah. Bouteille. Blablabla. Eh oui. Aujourd'hui, dans l'émission, on va avoir plein de bonnes choses. Il va y avoir une chronique CNX, comme toujours, avec une chronique aujourd'hui sur nos amis les robots, nos futurs maîtres sur Terre. Nos maîtres? Oui, vraiment, ça s'en vient. J'ai peur de voir. Ça t'est arrivé? Moi j'ai hâte. Ouais. Je les aime beaucoup. Faut les apprivoiser parce que sinon ils vont te tuer, mec, qui arrive! Ils ont pas d'émotion. Ah, c'est vrai. C'est dur à donner de l'amour. Ils peuvent pas t'haïr tout de suite. Oh, Mathieu. Oh. Mathieu, hey, c'est la dernière cette semaine pour Assemblage requis? Tout à fait. Déjà, une semaine très très courte, mais une semaine qui a été remplie de petits moments savoureux. Et d'ailleurs, tantôt, on va avoir un petit montage dans notre nouveau segment, Un instant classique. Un instant classique, oh, j'aime ça, ce nom-là. Il y a une chronique, c'est un fait aussi, donc je vais t'apprendre des choses tout à fait inutiles à savoir, mais en même temps, tu vas te dire comme, ah, mais Colin, je suis content ou presque de savoir ça, moi. Je suis tout le temps content. Mm-hmm. Tout le temps, tout le temps. Côté chroniqueurs qui viennent nous voir à chaque semaine, les chroniqueurs hebdomadaires, ils vont avoir leur première aujourd'hui. François Landry va être de retour. Il a été avec nous pendant la session d'automne 2009. Et puis là, ben, de retour avec Logocratie 101 cette fois-ci. Il va nous dire qu'est-ce que la logocratie. Est-ce que notre société est sous une emprise de logocrates? Ça va être intéressant. Ça devrait être. Très intéressant. Il y a Simon Fitzbé aussi avec sa première chronique Phénomène qui va faire la biographie de Chuck Berry. Hein, Mathieu? Chuck Berry. Non, ça, c'est Black Betty, je pense. Ouais. c'est ça, donc, pour le contenu d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Mais on commence avec quoi d'autre? Le Gaslight Anthem avec la pièce The Queen of Lower Chelsea. Vous êtes à Assemblage requis. Ça, c'est fou. 89.1 FM. T'avais l'air hésitant. FM. Pas facile le matin. Stayed and been the queen of low chill.

Non. C'est le moment de parler de quelques petites... un petit peu plus sérieux. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. On est quand même le matin. C'est juste une raison de mettre ma petite musique sérieuse. Je vas-y. Assemblage requis d'une présentation de service aussi. Ah, ben quand même. J'ai pas fait ça depuis... C'est moi, on dirait que je parlais deux fois. Ça a pris comme 3 jours pour faire vraiment, tu sais, quelque chose qui avait de l'allure, je trouve. Tu trouves pas? Oui, non. Celle-là, ici. Alors, François-Olivier Marchand, aujourd'hui, on parle dans ce bloc plus sérieux un petit peu d'une controverse qui se passe sur Xbox. Xbox, exactement. Mathieu, je sais que t'es un fan des jeux vidéo. J'adore! Je te raconte un peu l'histoire d'un homme qui a été suspendu de Xbox Live à cause du nom de sa ville. Hey, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était quoi sa ville? Et puis, c'est choquant. Fucking dans le sens. Fucker? Non, non. Wow! <Ouais, t'es, rire> t'es hardcore en même temps, toi? Excuse-moi, Meet the Fockers. Non, non. Le film avec Ben Stiller. La ville s'appelait Fort Gay. OK. F-O-R-T, espace G-A-Y. C'est une ville en Virginie occidentale. Le joueur de 26 ans avait été accusé d'avoir violé le code de conduite du service en ligne en déclarant qu'il venait de Fort Gay, mais non, cette ville existe pour vrai. Le joueur de 26 ans a été suspendu donc durant quelques jours la semaine dernière, jusqu'à temps qu'il prouve, barre oblique, convaincre, mm-hmm, Xbox, que sa ville natale existe pour vrai. C'est choquant, dans le sens qu'on paye aussi pour les services Xbox Live, ouais, comparativement au PlayStation et à la Wii. La Wii, ben on peut jouer sur le live. Ouais. Non, ouais. Ouais, hey, crime, je joue pas assez online, je sais pas. Il me semble que c'est gratuit. Ouais. Mais tu peux aller sur Google, ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est gratuit. Ouais. Ok, ben c'est ça. En fait, c'est pas vraiment très très plus long que ça, mon histoire. Non, mais c'est con parce que, je veux dire, le filtre de mots de Microsoft, je veux dire, à un moment donné, il y a sûrement une liste de mots qui sont bannis automatiquement, puis qu'après ça, il faut qu'il essaie d'étudier le sujet. Donc, gay, ce mot-là, aussitôt que tu as ça dans ton gamer tag, ça t'annule automatiquement. Puis là, ils font des recherches, ils regardent, puis là, ils regardent si ton nom, c'est, mettons, Philippe Gay, puis que tu as marqué ça comme gamer tag, puis c'est ton vrai nom, ben, ils vont sûrement te ramener, tu sais. Ouais. Là, Ford, ouais, Gay. Mais je sais pas si t'as approuvé, tu sais, faire photocopier, ouais, exemple, de ton permis de conduire, ce truc-là, que tes fax, puis bah. Tu sais, c'est... ouais, c'est un peu plate, en fait. Mm. Puis quand on pense... En fait, moi, je suis un fan du Xbox Live. Et puis, je remarque, d'ailleurs, qu'il y a plusieurs noms qui sont donnés, mais écrits différemment pour dire des choses pas mal plus méchantes que ça. Si on pense à des Keller quelque chose, ou... Des choses plus racistes, peut-être. Des choses racistes, extrêmement violentes aussi. Extrêmement violentes, donc... écoute, il y a une ligne à faire à quelque part, là. Je pense que ça serait peut-être bon de s'arrêter, de penser à l'affaire pour Xbox. Méditer. D'autant plus que c'est un service qu'on paye. Et voilà. C'est pas gratuit. On va entendre un autre nouvel extrait du palmarès qu'on avait entendu tantôt, The Hellbound Epcats. C'était un nouvel extrait du palmarès. C'est bon? Mais on va entendre Rara Riot, si tu veux bien me trouver la pièce qui est dans le palmarès à partir de cet après-midi entre 14h et 17h parce que boy, je vais animer... Hey boy. Boy. The boy. Boy. Ouais. Je vais animer les palmarès C'est fou avec Stéphanie Gagné, que tu connais bien. Ben oui, après-midi. Oui, entre 14h et 17h. C'est nouveau. Les palmarès reviennent à C'est fou. Mm-hmm. Ça va être béton, et comme oui, d'habitude. J'en doute pas du tout. Ben, ça dépend quand même, tu vois. Ouais. Stéphanie va être là, ça va vraiment aider. Ça va compenser. Pour moi, ça. Ouais. Donc, Rara Riot, en nouvelle entrée, voici The Boy. Assemblage requis. We'll be right back. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme... C'est fou, c'est comme faire... Ça fait rire végétarien. 99.1. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. De la Banque nationale du service aux étudiants de l'UQTR. On a fait plaisir à François-Olivier ce matin. Oui, mon petit caprice. Ton Johnny 5. Ouais. C'est-tu Johnny 5 ou Johnny 5? Ou, les gars disaient quand on leur a demandé que okay. Les deux sont valides. OK. Ah, très bonne pièce. Comment ça va, Mark Hamilton? Pour être Jon E5. Jon 5. Tu sais, il y a un personnage, Jon. Écoute, petite. Mon nom, c'est Jon 5. Okay. OK, non, ça va bien. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées jusqu'à 9h avec Info et Mathieu. Et puis maintenant, c'est le moment de parler de choses véridiques, véritables et vérifiables. Petite étoile, dépendant des faits. Dépendant des faits. Voici, c'est un fait. Dans la chronique C'est un fait, aujourd'hui, on parle de plein de petits sujets vraiment rapides pour commencer. Savais-tu que le FBI a nommé Ted Kaczynski le Unabomber? Est-ce que tu connais le Unabomber? Non. C'est un gars qui avait explosé des affaires, en tout cas. Parce que ces bombes étaient envoyées à des universités et des lignes aériennes. Donc, Universities, UN, et puis Airlines, Unabomber. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, le Unabomber. Unabomber. Il y a presque eu un quatrième membre du groupe Crick Crack Croc des Rice Krispies. Ben non. Ben oui, en anglais, il s'appelle Snap Crackle et Pop, mais il y avait un quatrième membre à l'origine, Pow, qui représentait la valeur nutritionnelle explosive des Rice Krispies. Oh. Ça aurait pu être Crick Crack Croc Pow. Ça aurait changé ma vie. Oh oui. Le terme paparazzi, ça vient de paparazzo, qui était un photographe fictif dans le film de Fellini en 1960, La Dolce Vita. Oh, ouais. Ça vient d'un film, le terme. Ouais. Je ne savais pas ça. Moi non plus. Slumber Party Barbie. Donc, Barbie Party Pyjama en 1965. Donc, la poupée venait avec un livre qui disait « How to lose weight », comment perdre du poids. Et un des trucs dans le livre était « Mange pas ». Mange pas. Hey, c'est vraiment brillant. Hey. Tombe à terre, puis elle a mal au ventre, puis... Mais soi-même. Mais soi-même, c'est ça, exactement. T'es pas bien, mais c'est pas grave. Ah, t'es la mince. Beauté. Hey. On a des belles valeurs. On a vraiment des belles valeurs pour vrai dans ce coup. Surtout dans ce temps-là. Bon. Ouais. Je savais pas ça non plus. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a plus de 200 variétés de melons d'eau aux États-Unis qui poussent ou qui sont cultivées aux États-Unis. 200 variétés. Ah, ça, je savais ça. Ouais, ah, ouais, c'est ça. C'est bon. Tu connais la planche Ouija? Ouija? Oui. En anglais, Ouija. Hey. Je sais pas pourquoi. Oui. Ouais. J'ai déjà essayé. Ah, ouais, et puis? Ouais. Écoute, je sais pas si c'était ma cousine parce que j'ai joué avec ma cousine à ce jeu-là. Je sais pas si c'était elle qui bougeait le truc, mais bref, ça bougeait vraiment. Et puis non, c'était pas moi. Ah, non. Puis, je sais pas. On dirait que moi, ce truc-là, on dirait j'ai tendance à croire. Là. Ah oui? OK. Moi, la superstition, j'ai bien la misère à croire ça, moi, d'habitude. Et moi, j'aime ça, tu sais. Antique, ce truc-là, mm-hmm. Ce qui joue à la TV. Moi, pour se divertir. Mais pour y croire, je sais pas. Ouais, ben moi, j'y crois, là. Ben, oh, ouais. Moi, j'y crois. Ben, c'est cool. Ouais. Parce qu'on saura jamais si c'est vrai ou pas, fait qu'on pourrait en débattre non, très longtemps. Non, c'est... On pourrait jouer avec ça. On pourrait jouer en studio live. Ben oui. Donc, la planche Ouija est nommée d'après le mot en français oui, vraiment. Oui. Et en allemand ja. Ja, ja. Ja. Ja, comme oui. Ça fait que c'est oui, oui. Comme. Ça pourrait être la planche de oui. Ouija. C'est quand tu dis m'en jouer à oui, l'autre, tu pourrais dire m'en va jouer à oui. L'autre avec bon oui. M'en va jouer avec mon oui. Des maisons de gambling anglaises dans le temps avaient des employés que leur seul rôle dans l'établissement, c'était d'avaler les dés si la police arrivait, parce que c'était illégal. Donc, ils avalaient les dés, c'était leur job à temps plein. Fais-le, toi. Boum. C'est hot, ça. C'est pas pire, hein? Non, ouais, c'est hot. Bien payé pour pas faire grand-chose, mais en même temps... Mais si la police arrive, faut que t'es avalé les dés. Tes boyaux, t'imagines-tu comment ils se sentiraient mal à matin? Oh! Non, ça serait pas chic. Ça serait pas chic du tout. Dans un paquet de cartes standard, le roi de cœur est le seul roi qui a pas de moustache. Ah! Nos moustaches! Tout le temps? Tout le temps. Jamais de moustache. Tous les baguettes? Dans le, ben, tous les rois. Le roi de cœur, dans le roi de cœur, c'est ben. C'est sûr que les symboles, le carreau, il n'y a pas de moustache là-dessus. Non. Le trèfle non plus. Non. On parle des rois, là. Aussi. Oh non, je comprends, mais le roi de trèfle, il y a le moustache? Le roi de trèfle, il y a le moustache, ouais, c'est ça. Puis le carreau aussi? Ouais. Puis l'autre, c'est quoi? Mais dans, de tous les jeux, ben, cœur, carreau, trèfle, pique. Mm. Fait que le puis roi de cœur est le seul roi qui a pas de moustache. Mais dans tous les jeux de dans cartes? Tous les jeux de cartes, ouais. Ah, je j'imagine. Vérifier. Je vais faire mon savane. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas cette règle-là puis qu'ils en ont mis une moustache au roi. On sait pas. Oh. Il y en a qui suivent pas les règles. Hein? Environ 98% des logiciels en Chine ont dit qu'ils sont piratés. OK. Ça prend 3000 vaches pour fournir à la NFL le cuir qui produit un an de ballon de football. Oui. Non. 3000 vaches? Pour faire un an de ballon de football? Ouais, pour la NFL. Hey, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Elle était jouée au football. C'est ça. Ben, c'est la morale. La télévision a été inventée avant le pain tranché. Ça veut dire ça? C'est Philo T. Farnsworth de San Francisco, en Californie, qui a breveté le premier système de télévision le 7 septembre 1927. C'était presque un an avant que Otto Frederick Rohweder invente la première trancheuse à pain à Davenport, en Iowa. Voilà. On peut pas dire maintenant que la télévision est la meilleure chose depuis le pain en tranche. Pain de quoi, pour vrai? C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Vraiment. Les personnages animés de Pixar clignent des yeux un œil à la fois. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ce qu'ils disent. Ah. Ouais. En moyenne, les chats passent 2/3 de leur journée à dormir. Ça te surprendra pas. Non, vraiment pas, même. Un chat adulte dort environ 16 heures par jour, ce qui veut dire qu'un chat de 9 ans va avoir été éveillé seulement pendant 3 ans de sa vie. Ou encore moins, parce qu'il faut calculer que les minets, les petits chatons, ceux qui sont beaucoup plus jeunes, dorment environ 18 heures par jour. Ah. En tout cas, pour avoir un chat, là, pour vrai, là, j'aimerais mener sa vie. Là. Ah, tout le monde dit ça. Oh mon Dieu. Pas besoin de se lever à 5h15 pour venir animer la radio. Non, puis à 7h, tu regardes. Papoute, je te salue. Papoute? Papoute. Papoute? C'est son nom. Papoute, c'est toi qui l'as trouvé? Je sais pas. Je me rappelle plus. Je pense que oui. D'accord. Alors, on va parler de nom de rappeur maintenant dans la chronique, c'est un fait. Vous savez probablement, ou peut-être, que le nom de Eminem est Marshall Bruce Mathers the Third. Pas the Third comme dans la crotte, là. The Third comme le troisième du nom. Third. D'autres vrais noms de rappeurs, Ice Cube, son vrai nom c'est O'Shea Jackson. MC Hammer c'est Stanley Kirk Burrell. 50 Cent c'est Curtis James Jackson the Third. Et puis Snoop Dogg, lui s'appelle Cordozar Calvin Brodus. Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg. Mais le troisième du nom, là, on dirait que ça mène vers une carrière de rappeur. Ça. C'est le fun à savoir. Deux petits derniers rapidement. Dans le dictionnaire Webster. Pendant un bout de temps, il y a un mot non existant qui était dans le dictionnaire pendant 5 ans. C'est quoi? C'était DORD. Parce qu'en 1931, il y a des cartes d'abréviation qui contenaient l'abréviation pour la densité. C'était marqué D or D, cont, donc continue, ou je sais pas trop, quelque chose du genre. Mais D or D, donc c'était l'abréviation, la lettre D. Les gens qui faisaient le dictionnaire, les éditeurs, ont été confus parce que cette carte-là d'abréviation s'est retrouvé parmi les définitions, parmi la carte de définition, mais qui ont marqué, là, ils savaient pas trop, ils ont marqué DORD, D-O-R-D, DORD. Puis là, ils ont marqué à côté que ça voulait dire densité. Mais ce mot-là, ça existe pas, DORD. Ah, c'est bizarre. Oui, mais eux peuvent faire des erreurs. Et voilà, c'est ce qu'on dit. Et puis, pour terminer, le Sahara, le désert Sahara, en fait, ce mot-là, c'est un mot arabe qui littéralement veut dire désert. Donc, quand tu parles du désert du Sahara, tu parles du désert. Hein. C'est tout. C'est bien, hein? C'est une ville qui s'appellerait Ville. J'ai pas aimé ta fin, là, mais oui, le début, c'était très bien. T'aurais voulu que je finisse avec un nom. Non. On va appeler notre radio Radio. Radio. Radio Radio. La radio Radio. Copyright. Ouais. Ça existe déjà. Ah, donc c'est tout pour les faits divers d'aujourd'hui. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Merci à Mathieu. Qui fait plaisir. Toujours très intéressant. Thank you, bye. Bon. Thank you. Dord. M'a traité de Dord. Move the door! Hey Mathieu, oui. 7h45 minutes. Tout à fait. Notre émission est présentée par le service aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un fait. Et de la Banque nationale. Mm-hmm. Donc, on les remercie. On les remercie grandement. Si vous avez des questions à l'université, allez voir les SAE. Oui. Et puis, si vous avez des questions au niveau financier, allez voir la Banque nationale. Vous pouvez aller voir l'un et l'autre pour l'autre sujet, mais sûrement qu'ils ne seront pas vraiment, par exemple. Non. Tu vas voir la banque pour inverser aux étudiants. Ouais. Ça ne marche pas, ça. Non. Chacun a son rôle. Ouais. On va entendre un beau petit bloc que tu nous as choisi, toi, de ta main de Dord. Dord. Commençons avec Elliot Brad. Et le classique. Classique assez fou, je pense. Oh. C'était la pièce de l'année 2009. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. 2009. C'est toi qui l'animais. On sait que c'était une bonne pièce. C'était ce que je me rappelle. C'était ça. Ouais. C'était Write It All Down For You. Write It All Down. Rod. Et suivra Tim Armstrong avec Hold On. Le chanteur de Rancid. Ah, ben quand même. Ouais. Tu m'en apprends. Projet solo. Tu vois, moi, je t'apprends des choses, tu m'en apprends. C'est comme un échange de services. Plein d'images qui me viennent en tête, là. Ah, vous êtes à Assemblage Requis. 7h46. 7h46, crime. Ça va passer vite cette minute-là. Hein? Well, I have no time for you. Bitter tea, bitter tune, bitter you. Well, you sow what you sow, what you say. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Like the Mississippi, our tuning starts in Minnesota. Take I 35 to 90, Sioux Falls, South Dakota. Big hearted country girl, hope you're gonna make it on down. She said, yeah, Tim, good to see you, man. Hope you all stay around. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you. As long as I can, I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Good day, I'm gonna roll again into the darkest night. We were born to ride now, baby, right into the morning light. Took a trip down to Kansas, Missouri and Arkansas. Stayed with her sister, that girl's above the law. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Women, cocaine, and booze. Yeah. The toughest of the roughest. Right. I got nothing to lose. Before I met you, everything was going wrong. It's been a long journey now. Girl, I won't take you home. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. To leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Tim Armstrong avec la pièce Hold On. Tim Armstrong qui est membre officiel et original de Rancid. Eh ben. Tu m'en diras tant. Je t'en dirai tant. Le jeudi matin. Oui, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième qui s'en vient tantôt. On va recevoir Simon Fédivé avec sa toute nouvelle chronique Phénomène. Il va nous parler de Chuck Berry aujourd'hui. Oui. Et puis il y a François Landry qui va s'en venir aussi vers 8h30. Il va nous parler des logos... De Logocratie, ouais. Moi aussi, je me demande ce que c'est. Il va nous l'expliquer tantôt en long et en large dans sa chronique Logocratie 101. Et puis, il y a la chronique CNX qui s'en vient aussi. Et plein d'autres choses. Alors, restez avec nous. C'est Assemblage Requis. Pour l'instant, ben, c'est l'Info Campus. We'll be right back.

parti. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Poisson avec la pièce Premier rang à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Jusqu'à 9h. Ben oui. On va prendre qu'on a fait jouer pour Premier rang parce qu'on a quelqu'un qui est au top of the world. Qui est au premier rang. Au premier rang des gens dans le studio, dis-moi. plus. Ouais. Non. Voyons, fait de la bonne job, les gars. J'essayais de trouver un lien, mais je suis pas capable. Merci pour le compliment. On peut être mal à l'aise l'après-midi et pas le matin, Mathieu. Ça tourne, ça roule. Ben non, moi, j'essayais d'en créer un, puis ça marche pas pour moi. Non. C'est pas grave. On va accueillir quand même Simon Fitzbay avec une toute nouvelle chronique. Oui. Voici chronique Phénomène. Phénomène. Bonjour Simon Fitzbay. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, messieurs? Très bien. Je tiens à vous féliciter, vous faites une très bonne job de remplacement pour moi. OK, parce que là, on était remplaçants maintenant, c'est ça? Ben, OK. D'accord. Ben non, mais je vous cède la case horaire. La case horaire du matin avec très grand plaisir, vous faites une très très bonne job. On est très content d'ailleurs que tu aies une chronique. Ben, ça fait plaisir. C'est vrai, ça va être aussi, plaisir. Je suis content d'avoir une chronique. Puis t'as pas besoin de te lever aussi de bonne heure à chaque matin. Exactement. Mettons que c'est la grosse matinée tous les matins parce que je me lève à 6h30, 7h. C'est le luxe, hein? Oh, le chanceux! On est bien. Bref, tu viens nous présenter ta chronique Phénomène maintenant. Eh oui, chronique Phénomène, dans le fond, c'est qu'à chaque semaine, je vais vous présenter un artiste ou un groupe qui a eu une signification, une importance dans le milieu du rock'n'roll. Et on va essayer de faire ça comme chronologiquement. On va partir du plus ancien, essayer de monter pour tomber, mettons, à Arcade Fire à la fin, des choses comme ça. Et on débute donc avec la chronique numéro 1, Monsieur Chuck Berry, qui est considéré ni plus ni moins comme étant le créateur du rock'n'roll, ou en tout cas le grand-père du rock'n'roll. Donc je vais vous présenter ça un peu comme sous une forme de biographie, tout simplement. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour vous présenter le tout. Donc on débute avec Chuck Berry, qui est né Charles Edward Anderson Berry, dit Chuck, bien sûr. Né d'une famille de la classe moyenne à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, le 18 octobre 1926. Il a donc 83 ans, et puisque non, il n'est pas mort. Contrairement à plusieurs personnes de son époque du rock'n'roll, il est encore en bonne santé. Il donne son premier concert alors qu'il est encore au secondaire. À la même époque, Berry écope de 3 ans de détention dans un centre juvénile pour vol à main armée, et non pas main armée d'un vol. À sa sortie de prison, il tient à vivre une vie rangée avec sa femme. Il gagne sa vie également comme travailleur dans une usine d'automobile. Donc, il essaie de laisser le crime de côté. Et malgré le fait qu'il soit maintenant un enfant sage, il ressent encore toujours l'appel de la scène. Il veut faire de la musique dans la vie. Donc, il s'intéresse maintenant au riff du bluesman T-Bone Walker. Walker pour former son propre style de guitare. Et il commence à donner ses concerts en tant que musicien pour le pianiste Johnny Johnson vers 1953. Donc, c'est un peu le début de sa vie professionnelle. Et malgré que la majorité du répertoire du trio de Johnson soit constitué de rhythm and blues, c'est-à-dire du blues et du rythme, qui était la musique en vogue, la musique noire à cette époque-là, si on veut, puisque les Blancs étaient encore trop... Trop coincé, ouais, pour écouter cette musique-là. Mais malgré le fait que c'était surtout du R&B, Saint-Louis vibrait plutôt country. Et donc, pour un peu faire un mélange des deux, ils se sont mis à mixer les pièces R&B ainsi qu'avec un style country pour que les gens continuent à aller les voir dans les bars. C'est surtout Chuck Berry qui en a profité en fait pour créer son propre style de musique. Il chantait également avec la voix de Nat King Cole, dis-je, et la fougue de Muddy Waters, qui était grand guitariste de blues à cette époque-là, qui l'a d'ailleurs invité à rencontrer Leonard Chess, grand Manitou de Chess Records, qui était la grande maison de blues à Chicago. Et il a été séduit par le son de Berry et qui espérait atteindre le numéro 1 également des palmarès pop, c'est-à-dire Chess Records cherchait un peu une passerelle pour passer des palmarès R&B, palmarès noir, au palmarès pop qui était grand public, c'est-à-dire donc toutes races confondues, mais à cette époque-là, c'était très, très ségrégationnant encore la musique. Il enregistre les premières pièces, et dont une qui s'appelait Ida Red et qui a été changée de nom pour Maybelline, premier grand succès de Chuck Berry, numéro 1 dans les charts R&B et numéro 5 dans les charts pop. Là, on parle de quelle année? 1955. OK. C'est peut-être Assemblage Rocky. C'est peut-être Maybelline. Oh, Maybelline, hein? Peut-être. On va se mettre. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline. Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Un petit bloc de petits seins sur mes seins. Ouais, exactement. Un bloc de poitrine avec chocolat puis okay. Martin Léon. Ah ouais? C'était assez intéressant. Faudrait qu'on recommence, qu'on fasse ça. Ben, la tradition devrait se poursuivre. Hein? Ouais, ouais. Manquait ça, moi. Et ça m'aurait plu, sûrement. C'était l'an dernier. Ouais. C'était trop tôt pour toi. Non, wow. Ouais, c'est pas comme si je t'écoutais pas, par exemple. Non, mais je sais bien. Tout le monde m'écoutait. Ben oui. À ce qui paraît. Parce que tout le monde me dit ça. Mais je sais pas, moi, je vous voyais pas. C'est vrai, par contre. Pas toute l'émission. Mais en tout cas. Donc, bref. On vient d'entendre en fait la pièce Maybelline, toujours dans le cadre d'Assemblage Rocky. C'est la chronique Phénomène. C'est la nouvelle chronique de Simon Fitzbay, Phénomène, où il nous présente l'histoire du rock en ordre chronologique. Hein? On essaye, pas en pièces détachées. Non, On essaie de faire des choses complètes. On ne pas notre slogan. Hey, wow! Oh, mais quand oh. Avec les pièces de qualité. Oh, oh, oh! Hey! Eh oui, donc Maybelline, qui est un succès instantané, qui, comme je disais avant qu'on la fasse jouer, est arrivé au top des palmarès R&B et au numéro 5 des palmarès pop, mais également des simples les plus vendus. C'est le début de l'âge d'or de Chuck Berry en même temps. Donc, le guitariste et son nouveau style musical, le rock and roll, ça a été le premier, ou un des premiers, en fait, si on considère pas que les DJ étaient des stars du rock, malgré qu'à l'époque, ils l'étaient. Ça a été un des premiers à utiliser le terme rock and roll pour ce qu'il faisait, puisque c'était plus considéré, en fait, comme du country. Il séduit autant les audiences noires que les jeunes blancs. ses hits comme Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode, Sweet 16 et Rock and Roll Music et School Days également sont des succès qui fracassent les palmarès autant R&B que pop. C'était rare de voir ça pour un noir à l'époque, puisque comme je disais, il y avait beaucoup de ségrégation de musique noire. Donc si c'était blues, R&B, c'était généralement pas joué et écouté par des Noirs, malheureusement. Mais Chuck Berry a été un des premiers, justement, des artistes noirs également, a été invité à la télé pour son style rock et il est vu comme le grand unificateur, dans le fond, des races au niveau de la musique, autour du rock and roll. We are the world. We are the world, oui. C'était un Michael Jackson avant son temps, ouais. Si tu veux. Par contre, Chuck Berry avait seulement un vice, les femmes. Il ne buvait pas, il ne prenait pas de drogue, il ne jouait pas, mais il aimait beaucoup la compagnie féminine. Il faut dire que quand tu es une star du rock à cette époque-là, c'est assez facile de te faire des petites copines à chaque soir, tu sais, de ville en ville. Et c'est ce qui a causé sa perte un peu, puisqu'en décembre 1959, il a été arrêté et formellement accusé d'avoir participé à la traite des Blanches. Et là, je sens en grosse littéralement, parenthèse. Il fait des guillemets français dans les airs. Ouais, ouais. Moi, je suis bon pour ça. Quand même, c'est ça, il a été arrêté, en fait, puisqu'il aurait fait traverser d'un état à un autre une jeune Amérindienne de 14 ans qui était serveuse dans un bar. À cette époque-là, les lois du travail n'étaient pas nécessairement très, très bien établies. Ouais, quand même, 14 ans? Oui, ben, c'était la loi Mann, qui était une loi, en fait, qui empêchait la traite des Blanches. C'était vu pour contrer la traite des Blanches par n'importe qui, mais pour dire que c'était à une époque encore où on faisait la ségrégation des Noirs, donc c'était un peu mélangé. Chuck Berry a quand même réussi à faire retirer son procès en faisant remarquer en appel le racisme du juge. Donc, il a été condamné tout d'abord à 5 ans de prison, mais il a souligné que le juge était raciste envers lui. Et donc, le procès a été annulé. Il y en a eu un deuxième. Il a écopé de 3 ans de prison. Pendant ces deux procès, il a continué à enregistrer des pièces et à jouer également en concert, ce qui lui a permis de rester plus longtemps au top du palmarès. Par contre, lorsqu'il a été libéré en 1963, il a pu profiter quand même de l'invasion britannique, c'est-à-dire donc les jeunes britanniques qui avaient appris le rock and roll avec Chuck Berry qui sont revenus dans les années 60. Ça faisait déjà une dizaine d'années que lui tournait et que ça commençait à vieillir un peu ce qu'il faisait. Donc, certains groupes anglais ont réussi à le ramener au top en enregistrant des versions de ses pièces. Et il y a d'ailleurs les Beach Boys qui ont repris les accords de Sweet 16 pour écrire Surfing USA. Et d'ailleurs, Chuck Berry a poursuivi les Beach Boys à cause de ça. Mais quand même, son étoile va s'assombrir de plus en plus à la fin des années 1960, malgré un certain succès tel que My Tingling, pièce préférée d'Alain Lefebvre pour ce qui est du répertoire de Chuck Berry. Là, je suis très sarcastique parce qu'il déteste cette pièce-là. Ah, okay. J'avais pas suivi ça du tout. Non, mais c'est parce que ça devient synonyme. En fait, cette pièce-là, ça devient synonyme d'un rock and roll vieillissant qui peut pas rivaliser avec le rock de jeunes tels Led Zeppelin, ZZ Top, Emerson, Lake and Palmer. Les jeunes de ZZ Top. Ben, ils étaient tous jeunes dans ce temps-là, mais mettons aussi Jimi Hendrix, tu sais, qui est à peu près dans cette époque-là. Chuck Berry et Jimi Hendrix, il y a un lien pour ce qui est du rock'n'roll, mais quand même, les deux ne pouvaient pas nécessairement rivaliser. Et donc, il se retrouve plutôt dans les tournées oldies, les tournées souvenirs, bref. Il se retrouve encore devant la justice également dans les années 70 pour de multiples évasions fiscales. Il n'arrivait pas à payer ses impôts. Il vaut mieux garder son argent, malheureusement. Mm-hmm. Et depuis les années 1980, bref, pour terminer un peu, Chuck Berry enchaîne les tournées souvenirs et surfe littéralement sur ses anciens succès. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on peut le voir en concert au Blueberry Hill, qui est un restaurant de Saint-Louis, un mercredi par mois, et ça coûte seulement 30$. Est-ce que c'est lui qui a créé cette place-là, ou ça donne par hasard qu'il y a des baies dans le nom? Ça donne comme ça. Et Blueberry Hill, en fait, c'est également une chanson de R&B qui a été chantée par Bo Diddley. Donc, c'est un standard, en fait, du R&B. Mais donc, pour 30$ par mois, on peut voir Chuck Berry, ce qui est vraiment pas cher comparé aux 100 quelques dollars que j'ai payé pour aller voir Paul McCartney, qui, lui, justement, est un descendant de Chuck Berry. Est-ce qu'on peut nommer quelques-uns des groupes qui ont subi son influence? Les Rolling Stones, les Beatles, AC/DC, pour les plus métal d'entre nous, et pratiquement tout autre groupe de rock'n'roll à partir de là. Parce que Chuck Berry est vraiment l'origine de cette musique-là. Et donc, voilà. Et c'est lancé. Je vais aller me chercher un passeport. Puis ceux qui, ça leur tente, on organise un voyage en autobus pour aller voir Chuck Berry l'an prochain. Pourquoi pas? Aller cueillir des cerises. Aller cueillir des cerises. C'est des bleuets, Blueberry. Ouais, je sais, mais Berry, tout court, c'est comme des baies. Non, c'est Cherry, des cerises. Ouais, je sais, mais des baies. Des baies. Des baies. Ouais. Ouais. Des baies. Des baies. Des baies. Des baies. Des baies. T'as la faute, tu t'as fait. Bon. Hey. Wow, hey. On s'emporte. Fait que voilà, c'était la première chronique phénomène. Et ben, pour terminer, en fait, j'avais un autre succès de Chuck Berry à vous présenter qui se nomme School Days. Et c'est toujours dans le cadre de cette chronique phénomène qui se termine incessamment. On va revenir te dire bye après. OK. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. Study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. But the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Chuck Berry avec School Day dans la chronique de Simon Fitzby qui s'appelle Le Phénomène. Et on va le retrouver la semaine prochaine. Donc, on te remercie, Simon, pour cette belle chronique. Merci, Simon. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis encore, félicitations de votre beau programme. Mais pareillement, Grandin. T'as fait du beau travail pendant ce temps? Non. D'autres choses qui riment avec ça? J'ai jonglé. J'ai jonglé. Puis on t'écoutait pour vrai. Prends pas ça comme si on t'écoutait pas. Ah non, mais je sais. Le début de l'émission, peut-être qu'on va faire dans le bar, mais bon. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. Salut. Et ouais. Mathieu Plante. Salut à moi. Justement, là-dessus, je tiens juste à souligner que vous autres, vous êtes chanceux, vous avez une nouvelle de Radio-Canada le matin. Hein? C'est ça. C'est... On a pensé notre affaire, ça. Ça va bien. Merci. C'est comme dire, vous botchez, mais au moins... vous avez des nouvelles. C'est ça. Ben non, c'est des blagues, les gars. On va te dédier la prochaine chanson. Partons la tradition de faire jouer des chansons qui parlent de partie corporelle féminine. Ben, pourquoi pas? Voici tes petits seins de chocolat. C'est fou. Et après ça, François Landry avec sa chronique Logocratie 101. J'ai hâte de savoir c'est quoi, là. Moi aussi. M'intrigue. Tes petits seins sous la pluie. C'était comme des petits fruits. Désolé de t'avoir blessé. C'était plutôt exquis. Des petits seins. À 9h, vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes à Assemblage Requis, une émission qui est présentée par le service aux étudiants de l'UQTR et par la Banque nationale. Oui. Hey. François Olivier Marchand, Mathieu Plante, jusqu'à 9h, oui, il nous reste une demi-heure environ et c'est le moment parfait, je dirais, pour se lever. Tous en hein, personne se lève. Ouais. À radio, ça va peut-être avoir l'air bizarre un peu. Pour accueillir l'honorable François Landry. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Satisfait? Ah écoute, tu me rends heureux un matin là. Mes deux intros préférées. Oui, mixées ensemble. Mixées, écoute. C'est qui ce gars-là qui très est... bonne intro. Citoyen? C'est Yvon Vallière, le président de l'Assemblée nationale. C'est le type parfait pour s'endormir le soir. Quand vous souffrez d'insomnie, là, mettez ça sur Télé-Québec ou sur CEPAC et réécoutez l'Assemblée nationale quand lui parle seulement. Sinon, vous allez vous faire réveiller. Là. Mais lui, il cogne avec son stylo. on l'entend pas, là, mais... Toc, toc, toc. S'il vous plaît, collègue. Un petit peu de lait chaud et puis ça, c'est... J'aimerais entendre la réponse. Collègue, s'il vous plaît. Ouais. Je vais rester debout. Collègue. C'est de même pendant des minutes interminables. Ah oh, ouais, tout à fait. Pour avoir écouté quelques fois, là... Et puis là, j'avais trop d'entrain dans ma voix, là. Oh, ouais. Actuellement, lui, c'est pire encore. S'il vous plaît. Ah, c'est... tu viens de présenter une nouvelle chronique, Logo Cassis 101, avec, en fait, toi, Simon Fédibé, François-Olivier et moi, on va tous participer à cette discussion sur... Que c'est ça, la logocratie? Oui, je suis content que vous soyez tous là, parce que je sais que vous êtes avares de savoir ce qu'est la logocratie. Tout à fait. Alors que vous pratiquez la logocratie chaque jour de votre vie. Non! Oui, monsieur. Hein? Oui, quand je te croise dans le corridor, Mathieu, tu me demandes « ça va? » Je dis « oui, on continue notre chemin. » Aucune suite à la conversation. Alors qu'on s'en fout si l'autre voit bien. C'est tellement vrai. C'est une marque de respect, tout simplement. La logocratie, c'est une marque de respect? Non. Non? C'est l'art de manipuler le vocabulaire pour que l'autre soit endormi. Mais voyons, moi, quand je te demande si ça va bien, François, quand je te vois à la buvette... Toi, c'est pas pareil, Simon, t'as un lien privilégié avec moi. Mais Mathieu et François-Olivier, bon, je vous connais peu. Tu peux-tu répéter ça? L'art de... C'est, gars, je vais te donner la grande définition parce que je vais faire ma chronique entièrement sur ça, puisque le nom de ma chronique, c'est Logocratie 101. Parce que l'an dernier, Mathieu, tu te souviens, j'animais ici une chronique sur la politique, l'actualité avec Kiwan et toi. Et les questions qui me revenaient souvent, c'est « on comprend rien quand un politicien parle, on sait pas ce qu'il dit, on sait pas c'est quoi son idée ». Donc, j'ai réfléchi à ça cet été, j'ai fait le tour de mes amis, ma famille, je leur ai dit « est-ce qu'ils vous endorment? Est-ce que vous seriez prêt à voter pour quelqu'un qui dit des grands mots creux, vides de sens? » Ils ont dit « oui ». Je dis « ok, sont où les idées là-dedans? » Si le parti X veut abolir les femmes âgées de plus de 50 ans, sauf qu'il dit un grand discours vide de sens, vous allez voter pour lui, ben, s'il réussit à me convaincre, oui. Wow! Ça n'a pas de sens. Je me suis donné comme mission, j'ai reçu la mission de Dieu, d'Allah, de Krishna et de tout le monde, soyons plus réalistes. Le Père Noël. Et du Père Noël. Le Spaghetti Monster. Je ne connais pas. C'est un monstre en spaghetti, il est drôle. OK, parfait. Je te fais confiance. Donc, je me suis dit, je vais tenter dans cette chronique-là de décoder les codes politiques pour qu'on puisse savoir, à chaque fois qu'un politicien nous parle, qu'on puisse dire « t'es en train de m'en passer une vite, mais j'ai compris ton sous-message. » Ton stratagème. Donc, tout au long des semaines à suivre jusqu'à la fin de l'émission, dans le fond, je vais... Il n'y aura pas de fin à cette émission. Il n'y aura pas de fin. Ben, parfait, je suis ici encore pour 50 ans. Un plan de retraite à prévoir. Parfait, merci. C'est fou. On n'a pas ça, nous autres. Ah, ça va venir. Donc, la logocratie, qu'est-ce que c'est? C'est pas un mot qui existe en tant que tel, c'est pas dans le dictionnaire, mais c'est un terme politique utilisé pour décrire un régime idéologique politique. Donc, ça vient du grec logos, la parole, la raison, donc raisonner de par la parole, et kratos, qui veut dire le pouvoir, l'autorité, comme dans démocratie. Donc là, la kratie, c'est imposer une autorité de par la parole. Donc, seulement en parlant. C'est surtout dans les régimes totalitaires, communistes, cubains, nazis. On sait que dans le régime nazi, le ministre de la propagande utilisait beaucoup la radio, les journaux pour convaincre le peuple que les juifs, c'était le mal incarné et le monde les croyait. Juste de par la parole. Le régime soviétique sous Staline, c'était la même chose. Castro, avec ses grands discours de 6, 7, 8 heures en ligne d'affilée, puis c'est pas des blagues, là. Il réussit à convaincre, à galvaniser le peuple du bienfait du communisme cubain et du diable américain. Donc, l'art de gouverner juste par la parole. Et je vais vous donner la définition vraie ici. Donc, c'est un régime idéologique où règne une parole officielle, une vérité officielle constituée de phrases, slogans et de discours prophétiques. Le langage ne sert pas qu'à dénommer les choses ou à donner du sens. Il devient l'instrument du pouvoir et un moyen de domination. C'est très grave, ça. Et quand je dis, tu l'as dit en ouverture d'émission tantôt, est-ce qu'on vit dans une société de logocrates? Je dirais que oui. J'en suis moi-même un logocrate de par mon emploi ici à l'association étudiante parce que je dois jouer avec les mots pour convaincre les journalistes du bien fondé de notre action. Donc, c'est pas un pouvoir que j'impose, c'est une manipulation des mots. Et un terme connexe, là, vous allez dire, OK, c'est ça. La logocratie, c'est aussi la langue de bois. Ah, OK, c'est ça, non. Bravo, merci de t'aider. 10 000 répliques à l'avance. Ah non, mais c'est bien, mais ton texte est devant toi. Merci. La langue de bois, on dit toujours aux politiciens, la langue de bois. C'est normal que la langue de bois, il veut pas se mouiller, il veut pas se mettre dans le pétrin pour un mot dit de travers. On sait qu'avec la commission Bastarache qui a lieu présentement à Québec, Il y a eu des petites enquêtes du directeur général des élections parce qu'un ministre s'est enfargé sur un mot, a fait un lapsus, alors qu'il aurait dû utiliser la langue de bois. Dire « je suis pas au courant, mais vous savez, il y a des processus qui font en sorte qu'il y a des nominations, patati patata », au lieu de dire « oh oui, je savais ». Donc, il faut être très prudent avec ça. Et en politique, t'as pas le choix d'utiliser la langue de bois, malheureusement. Et je déteste la langue de bois, mais je vais vous donner des trucs pour les décoder. Ça donne des échardes. Oui, exactement. Et quand on parle de la langue de bois, on parle surtout d'un discours qui n'apporte aucune information nouvelle. Et je vais vous lire un texte, vous allez me dire si vous êtes prêt à voter pour moi, OK? On fait un test ici. Okay. Si je vous dis, je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que la nécessité de répondre à votre inquiétude journalière, que vous soyez jeune ou âgé, entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi. L'élaboration d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Bravo! Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Au pouvoir. Mais oui. C'est ça, en fait, t'as rien dit. J'ai rien dit. Mais t'as quand même englobé, comme les jeunes, les personnes âgées. Je pense que c'est un peu ça le but. Exactement. En disant aussi nos caractères spécifiques. Qu'est-ce que nos caractères spécifiques? Toi, c'est François, ça, ça peut être... je parle français. Mathieu, lui, c'est « je suis un jeune ». Simon, lui, c'est « je trappe musique ». C'est ça, et exactement. Toi, que je sais pas encore ton nom, c'est pas grave, je t'aime pareil. Tu vas dire « moi, écoute, je suis féministe ». Donc, c'est ça, nos caractères spécifiques. On se reconnaît tous dans ce discours-là. On s'en concerne. Exactement. Donc, on est prêt à voter pour le type qui va dire ce vide intellectuel-là. Oui. Donc, c'est ça, la langue de bois. Et aujourd'hui, au 21e siècle, en 2010, est-ce qu'on utilise encore la langue de bois? Oui. Est-ce qu'on a transformé la langue de bois en une novlangue? Novlangue. George Orwell. Ah oui, 1984. Et voilà, les celui cochons. Qui a inventé juste avant La forme des animaux. Ah. Et ensuite, 1984. Mais c'est très bien, t'es dans la bonne piste. Colin. Donc la novlangue, en anglais la newspeak, c'était une contraction de mots ou de phrases pour évacuer toute émotion des mots ou tout sujet jugé négatif. Donc, un exemple, dans le livre 84, on parle de double plus bon. Au lieu de dire c'est bon, on dit double plus bon. Donc, c'est très bon, mais c'est doublement bon. OK? On contracte. Okay. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Pour dire le mot mauvais, on a rayé le mot mauvais, on dit un bon. C'est infini, c'est fini, mais c'est infini. Donc, là, c'est un bon. Donc, ça enlève le mot mauvais. Ça, c'est un exemple du livre. Aujourd'hui, dans la société, est-ce qu'on utilise des mots comme ça? Et je vais vous dire oui, juste en écoutant la météo. On parle de ciel variable ou de ciel passage nuageux. On s'entend tous, c'est la même chose. Oui. OK? Un ciel qui varie, c'est un ciel qui fait beau, qui fait pas beau. Donc, ça remplit une phrase creuse. Wow. D'autres termes aussi qu'on utilise. Un aménagement de territoire, ça fait beau. Mais en réalité, c'est une destruction du paysage. Mm-hmm. Hein? C'est bon, ça. La compétitivité. Ça, on entend ça chez nos élites économiques et politiques. Mais c'est une arme pour écraser les concurrents. C'est comme la télé-rivalité. La télé. Exactement. Donc, pour le salarié, c'est travailler plus pour moins. Mm-hmm. Le conflit d'intérêts. Ça, on entend ça avec Tony Tomassi durant la dernière session parlementaire. Le conflit d'intérêts. C'est une tentative de s'en mettre plein les poches de par le poste que l'on occupe. En tant que tel. Et les contacts. Exactement. Conjoncture actuelle. On entend Jean Charest dire, dans la conjoncture actuelle, faut faire ci, faut faire ça. C'est des temps durs qu'il faut se serrer la ceinture, tout simplement. Conjoncture actuelle, c'est plus cute. On coupe, exactement. Déréglementation. On entend la ministre Courchaine parler de déréglementation des frais de scolarité. C'est ni plus ni moins que la loi de la jungle. On déréglemente, donc on enlève tout règlement. Donc, c'est au plus fort la poche. D'autres exemples de même, réajustement des prix. On augmente les prix, tout simplement, on réajuste pas à la baisse. Non, jamais fait, on augmente toujours les prix. Et faut pas se tromper non plus avec le politiquement correct. Parce que des fois, faut être gentil envers les moins fortunés dans la société. Donc, un chômeur, c'est péjoratif de dire c'est un chômeur. On pense que c'est un gars qui est sur son divan à rien faire. Alors qu'on a utilisé le mot chercheur d'emploi. Donc là, on a juste réajusté le terme. Un sourd, on ne dit pas la personne est sourde, elle a une déficience auditive. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas la langue de bois, c'est juste être politiquement correct. Minorité visible, on utilise ça plutôt que dire le noir ou le Chingtok ou le WAPS. Donc, c'est... Il va falloir des termes, là. Oui, mais on s'est ajusté. Justement. On s'est ajusté. Et dans le domaine militaire, c'est eux qui nous en sortent les plus beaux. Là, je vous en ai sorti juste trois ici. Un meurtre, comment ils disent ça en militaire, un meurtre? une fuite humaine. Non, ils ont seulement neutralisé l'ennemi. Ah, quand même. Envahir un territoire, comme en Irak, en Afghanistan. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont pacifié un pays. Wow. Et des bavures, des massacres d'innocents. Ce sont des dommages collatéraux. Donc, on voit c'est qu'ils vrai, jouent... Ça, ouais. Hein? Et on joue avec les mots juste pour induire en erreur la population. C'est voulu. Et bon. Mais il y a un type. Lui, je l'ai en respect, non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce que comment qu'il se comporte avec la langue de bois en France. À chaque année, le Press Club de France, donc il faut être en France pour parler en anglais, évidemment, remet annuellement des prix pour l'humour politique. Cette année, le gagnant est le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, M. Georges Fraîche. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Fraîche? Il a dit que des gens intelligents dans la population, il y en a de 5 à 6 %. Donc, lui, il fait campagne pour les cons. Il a dit ça très clairement dans son discours électoral. Et il s'est fait élire. Parce que les cons se sont reconnus en lui. Il dit, laissons faire les gens intelligents. Ce sont des pétus de broue, des aristocrates. Et bon, et le peuple s'est rallié à sa cause. Il s'est fait élire. Donc, il a gagné le prix du Price Club de France. Mais les politiciens, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser un peu. J'écoutais une émission de télé humoristique, à savoir humoristique, sur la politique américaine. Puis, il présentait la gouverneure de l'Arkansas. Pas de l'Arkansas, de l'Arizona. Qui était en débat et en pré-débat, elle lisait dans sa main ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas réussi à faire une phrase elle au-dessus d'une minute de temps. Oh, oui, elle n'a pas réussi à faire au-dessus d'une minute de temps dans sa présentation. Elle s'est excusée, puis est en avance d'au moins 30 % dans les sondages sur son rival démocrate qui, lui, a une belle langue de bouche, qui sait vraiment comment l'utiliser. Sarah Palin, ça pourrait être un autre exemple également. Oui, Sarah Palin, c'est l'icône même de la non-langue de bois. Mais c'est qu'elle peut faire aussi des discours de d'une heure pendant, puis elle dit rien, vraiment important. Tout ce que tu as à faire, en fait, aux États-Unis, surtout, si tu dis troupes, tu dis On septembre, terroriste, t'as un discours d'une heure facilement, tu fais juste répéter ces 5-6 mots-là en boucle, là. C'est très, très facile. Mm-hmm. Exactement. Donc, le discours d'Obama aussi qui a sorti à la Maison-Blanche il y a une semaine, il a répété 49 fois le même mot dans le même discours qui a duré une heure. Donc, à chaque minute, il sortait le mot. Je me souviens plus lequel, par contre. Je pense que c'est pas victoire, mais nous avons réussi à nous en sortir de l'Irak, quelque chose de même. En anglais, évidemment, ça fait plus beau, là. Mais il a dit le même mot 49 fois dans son discours. Donc, comment brainwasher le monde. Ouais, ouais. Donc, la une des journaux le lendemain, c'était ce mot-là. C'est sûr. Hein? Tout simplement. Donc, il a réussi son pari. Son discours, on s'en souvient pas. Mm. Même son mot, je m'en souviens pas. Parce que moi c'est un président comme un autre. Là. Mais bon. Donc, c'est ça qui fait le tour pour la chronique de Logocratie. Maintenant, vous allez savoir ce qu'est la Logocratie. Oui. Et à chaque fois que vous allez entendre un politicien vous dire n'importe quoi, vous allez dire qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Ouais. Donc, c'est l'émission que je me suis donné pour la session. Et la semaine prochaine, ça tombe bien, on va être à quelques jours de la rentrée parlementaire de Québec. Donc, je vais vous faire un petit wrap-up en bon terme politique, donc un résumé en français de ce qu'on se doit de s'attendre pour la rentrée parlementaire. Et je vais aussi vous parler d'une problématique suite au décès de M. Béchard, sa députation, donc son comté dans Kamouraska, Témiscouata, pardon. Il y a un problème là pour Jean Charest. Non pas qu'il ne pourra pas se faire élire, mais il pourrait ne pas avoir de candidat libéral qui veuille se présenter là pour la simple et bonne raison qu'il y aura des modifications à la carte électorale. Donc, les libéraux sont dans une difficulté à recruter pour un territoire qui sera supprimé d'ici un an. Est-ce qu'on va être député pour un an? Je ne croirais pas. Non, on n'aura pas la pension. Mm-hmm. Et voilà, ça prend 4 ans pour être 6 ans de députation pour avoir une pension à vie. Peut-être un jeune, en fait, qui débute, qui veut... Un poteau. On appelle ça un poteau. Ouais. Un candidat poteau, tout simplement. Il pourrait, mais est-ce que tu voudrais entacher ton nom? Faudrait avoir une relève comme l'attaché politique de Béchard qui prend la relève. Donc, c'est dans la suite normale des choses ou l'attaché presse ou le président de l'Association libérale du comté. Mais pour l'instant, Jean Charest dans l'eau trouble. Pour ça, il pourrait perdre un député de plus à l'Assemblée nationale et son avance se rétrécit comme peau de chagrin. Donc, un renversement de pouvoir pourrait se faire dans la prochaine année. Ça va pas bien pour lui. Hein? Ça va pas bien, certain. Merci beaucoup, François Landry. On se retrouve donc jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Logocratie 101. Ça va faire plaisir de vous instruire sur ce que les politiciens vous désinstruisent. J'avale ces informations-là comme une éponge. Je vais choisir un autre mot que ça. Ouais. J'absorbe. Ouais. J'ingurgite. Un moment, c'est fou. Merci. Il l'a répété. Hein? C'est ça. Je fais exprès. On s'en va avec Carquois tout de suite. Voici Marie Duplan.

souper, on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chansons fermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelés et désirelés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues Là, ce qui est avec la pièce Le Dialogue, ou juste Dialogue, featuring Fanny Bloom de La Patère Rose. On adore ça. Vous êtes à l'Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Simon Fitzbé, toujours avec moi. Effectivement. François-Yves Marchand. Et oui. Mathieu Plante. Est-ce que ça vous tente d'entendre parler de choses geeks? Non. Voici la chronique Cynix. Et aujourd'hui, c'est... Oh! Roulette! Nos amis les robots! Oh, oh, ouais. On va faire ça vite aujourd'hui, on a vraiment pas beaucoup de temps pour CNX, hein? Et... Très, très peu de temps. Donc, parlons de nos amis les robots qui en font beaucoup de choses étranges. On commence avec des plantes robots. Vraiment très, très bien. C'est une plante composée de 169 feuilles artificielles contrôlées par ce qu'ils appellent du shape memory wire, donc des fils qui peuvent retenir la mémoire d'une forme, genre. Retiennent les formes, si on veut. Donc, il y a une caméra montée en haut de cette plante-là, entre guillemets, et quand tu passes ta main dessus, ça envoie un signal à la plante qui fait bouger les feuilles au même endroit où ta main est, ce qui crée du genre de vent virtuel. Oh. C'est étrange, hein? Donc, ça s'appelle Plant, c'est vraiment juste ça le nom, Plant, par Akira Nakayasu, qui va être montré au Ars Electronica 2010. Et puis, vous pouvez voir des photos et des vidéos sur le lien que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Plante étrange. Bizarre. Ensuite, Head Controlled Paintball Robot. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est un robot contrôlé par la tête de quelqu'un qui porte des lunettes spéciales. Je sais pas trop dans les détails par manque de temps, mais quand tu bouges ta tête, ça fait avancer ou reculer ou bouger le robot. Et tu vois ce que le robot voit, j'imagine? Ben, non? En tout cas, je sais pas. C'est difficile à expliquer un petit peu, ça, en tout cas. Bref, peu importe. Passons au prochain parce que là, on doit y aller. Pas mal vite. C'est une compétition qui a eu lieu. Ça s'appelle... est-ce que j'ai le nom de... C'était commandité en tout cas par Willow Garage, le fondateur de ça, Scott Hassan. Donc, on nous montre les positions premières à... Bon, peu importe combien qu'il y en a dans l'article. Le premier, c'est un robot qui réussit à plier des bas. En fait, ça n'a pas l'air de bas ce qu'il fait. Vous allez voir le mouvement dans la vidéo, là, mais le robot plie des bas. Il y en a un autre qui, je crois, trie du courrier. Ça fait juste ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est sa fonction, il plie des bas. Ça, c'est très cool, ça. C'est vraiment très cool. Il y en a un qui c'est un band, donc le robot joue des instruments. C'est un one-man band, donc il joue du clavier d'un bord, il joue de la batterie de l'autre bord. C'est vraiment très bien. Et l'autre, il plie des serviettes, celui-là. Mais au centre de données fiscales à Shawinigan, hein, il y a un robot qui livre le courrier. Ah, ah ouais. Ouais, maman travaille là. Puis ça fait longtemps, là, quand j'étais jeune, là, je me rappelle, elle m'avait amené. Puis, tabarouette, j'avais... Mais tu sais, c'est pas un grand, tu sais, sur des rails. On va pas la conversation, mettons. Non, non, c'est ça. Justement. Mais tu sais, quand t'es jeune, wow, tu fais comme wow. Et puis le dernier article que j'ai trouvé sur budjunkie.com qui va sûrement vous intéresser, c'est comment les robots vont tous voler nos jobs. Avec le temps, c'est déjà commencé, on le sait, mais ils vont tous finir par enlever tous les jobs du monde, on dirait. On estime que d'ici à l'an 2025, les robots vont avoir presque la moitié de tous les emplois aux États-Unis. Et dans certains secteurs d'emploi, les robots vont peut-être même complètement remplacer tous les travailleurs dans les compagnies. On dit que 13 millions d'emplois ont été perdus contre les robots, seront perdus contre les robots. 22 jobs de manufacture, 9 millions dans les services alimentaires. Il y a plein de choses dans ce petit graphique-là. On dit qu'en d'ici à 2013, il va y avoir 1,2 million de robots qui vont travailler. C'est un robot pour chaque 5000 personnes dans le monde. En 1990, il y avait 450 000 emplois occupés par des robots. En 95, 5 ans plus tard, ça avait monté à 605. En 2002, à 750. En 2005, à 932 000. En 2009, à 1 million. Et en 2013, ça va passer à 1 200 000. Ben, en même temps, quand il y a eu l'apparition des bras robotisés dans les usines de voitures, on disait que d'ici les années 2000, il y aurait plus de jobs d'usines occupés par des humains. Pourtant, on a quand même réussi à trouver de nouvelles fonctions, en fait, pour les humains dans les usines. C'est ça, exactement. Puis il y en a qu'il faut qu'ils réparent, il y en a qu'il faut qu'ils conçoivent aussi. Devenir tous des réparateurs de robots. Ça pourrait être bien comme job, par exemple. Il y a même une timeline, si on veut, une ligne historique de différents événements qui ont eu lieu. Par exemple, en 1954, George Devol a appliqué pour le premier brevet en robotique. En 1963, les Jetsons ont commencé avec Rosie le robot. On se rappelle tous des Jetsons, c'est très bien ça. Mm-hmm. La première machine à creuser autonome en 1985... le premier robot humanoïde, ben en fait, peut-être pas le premier, mais en tout cas le plus connu, Asimo, qui est arrivé en 2000. Oui. En tout cas, donc tout ça, c'est sur assemblagerequis.com. Il y a plein d'informations sur ce beau petit graphique. Asimo, qui est le robot de Honda. Mais là, Toyota vient d'en lancer un également, là, qui lui a des mains fonctionnelles et tout. C'est intéressant. Est-ce que tu peux danser, là? Je pense que oui. Le robot qui danse, il y a. Oui. Mais c'est quoi le film là, avec le robot, là? Les pauvres. Wally? Wally? Non, c'est le film de Disney ou Pixar? Non. Johnny 5, ouais, Cœur-Circuit. Cœur-Circuit. Ah! Ouais. Ça, c'est le vrai premier. Ben, Caroline, c'est bien trop vrai. Ça va être tout pour CNX pour aujourd'hui. C'est par manque de temps, que voulez-vous? Plus de robots pour nous. On va se quitter comme ça parce que les nouvelles de Radio-Canada vont commencer dans quelques instants à peine. Merci à Simon Fitzbé. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Merci à François Landry qui est passé nous voir. Oui, merci François. Merci à tous nos chroniqueurs en fait du début de la semaine. Par contre, en fait, j'aimerais remercier Mathieu Plante pour la première semaine. Ouais, remercier Simon aussi. Oui. Qui a piloté l'émission l'année dernière. Merci à vous d'avoir écouté à la maison. Merci d'être de retour lundi prochain. Écoutez l'émission de Kim Bergeron qui va commencer vraiment très rapidement. À quelle heure? À 17h mardi prochain. Mardi, une émission... 6 degrés. 6 degrés sur les ramifications dans le domaine musical, surtout indie rock francophone. Exactement. J'ai bien résumé ça. On se quitte. Les nouvelles de Radio-Canada commencent. Bye bye.